FSI French Revised, Unit 5, Tape 2. Useful words. Nous habitons au bord de la mer. Nous habitons au bord de la mer. À la campagne. Nous habitons à la campagne. En face. Nous habitons en face. À côté. Nous habitons à côté. Là-bas. Nous habitons là-bas. Près d'ici. Nous habitons près d'ici. Dans le midi. Nous habitons dans le midi. Dans cette rue. Nous habitons dans cette rue. Sortez-vous dimanche? Sortez-vous dimanche? Jeudi? Sortez-vous jeudi? Mardi? Sortez-vous mardi? Samedi? Sortez-vous samedi? Mercredi? Sortez-vous mercredi? Vendredi? Sortez-vous vendredi? Lundi? Sortez-vous lundi? Demain? Sortez-vous demain? Est-ce que c'est en été? Est-ce que c'est en été? En automne? Est-ce que c'est en automne? En hiver? Est-ce que c'est en hiver? Au printemps? Est-ce que c'est au printemps? Travaillez-vous le mardi? Travaillez-vous le mardi? Le samedi? Travaillez-vous le samedi? Le vendredi? Travaillez-vous le vendredi? Le soir? Travaillez-vous le soir? Le matin? Travaillez-vous le matin? L'après-midi? Travaillez-vous l'après-midi? Je compte rester à Paris jusqu'en janvier. Je compte rester à Paris jusqu'en janvier. Jusqu'en février. Je compte rester à Paris jusqu'en février. Jusqu'en mars. Je compte rester à Paris jusqu'en mars. Jusqu'en avril. Je compte rester à Paris jusqu'en avril. Jusqu'en mai. Je compte rester à Paris jusqu'en mai. Jusqu'en juin. Je compte rester à Paris jusqu'en juin. Jusqu'en juillet. Je compte rester à Paris jusqu'en juillet. Jusqu'en août. Je compte rester à Paris jusqu'en août. Jusqu'en septembre. Je compte rester à Paris jusqu'en septembre. Jusqu'en octobre. Je compte rester à Paris jusqu'en octobre. Jusqu'en novembre. Je compte rester à Paris jusqu'en novembre. Jusqu'en décembre. Je compte rester à Paris jusqu'en décembre. Lexical drills. Lexical drill A1. Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? En avril. Qu'avez-vous fait en avril? Dimanche. Qu'avez-vous fait dimanche? Pendant la semaine. Qu'avez-vous fait pendant la semaine? Vendredi. Qu'avez-vous fait vendredi? En juin. Qu'avez-vous fait en juin? Samedi. Qu'avez-vous fait samedi? Pendant le week-end. Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Lexical drill A2. Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pendant le week-end? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pendant le week-end? Qu'ont-elles fait? Qu'ont-elles fait pendant le week-end? Qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pendant le week-end? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pendant le week-end? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait pendant le week-end? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Lexical drill A3. Je suis allé à Versailles. Je suis allé à Versailles. À Paris. Je suis allé à Paris. Au café. Je suis allé au café. Au restaurant. Je suis allé au restaurant. Au magasin. Je suis allé au magasin. Dans le midi. Je suis allé dans le midi. À Lyon. Je suis allé à Lyon. À Lille. Je suis allé à Lille. Au bord de la mer. Je suis allé au bord de la mer. À Versailles. Je suis allé à Versailles. Lexical drill A4. Comment est-elle? Comment est-elle? Est-il? Comment est-il? Sont-ils? Comment sont-ils? Vont-ils? Comment vont-ils? Va-t-elle? Comment va-t-elle? Parle-t-il? Comment parle-t-il? Rentrons-nous. Comment rentrons-nous? Parlez-vous? Comment parlez-vous? Est-elle? Comment est-elle? Lexical drill A 5. Je suis allé à Versailles. Je suis allé à Versailles. Ils sont allés? Ils sont allés à Versailles. Nous sommes allés? Nous sommes allés à Versailles. Elle est allée? Elle est allée à Versailles. On est allé? On est allé à Versailles. Il est allé? Il est allé à Versailles. Elles sont allées? Elles sont allées à Versailles. Je suis allée? Je suis allée à Versailles. Lexical drill A 6. Elle est meilleure que l'autre. Elle est meilleure que l'autre. Elle est plus glissante. Elle est plus glissante que l'autre. Elle est plus jolie. Elle est plus jolie que l'autre. Elle est plus grosse. Elle est plus grosse que l'autre. Elle est plus chère. Elle est plus chère que l'autre. Elle est plus pressée. Elle est plus pressée que l'autre. Elle est plus blanche. Elle est plus blanche que l'autre. Elle est plus ancienne. Elle est plus ancienne que l'autre. Elle est meilleure. Elle est meilleure que l'autre. Lexical drill A 7. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Moins jolie. Elle doit être aussi moins jolie que l'ancienne. Plus glissante. Elle doit être aussi plus glissante que l'ancienne. Plus belle. Elle doit être aussi plus belle que l'ancienne. Plus grosse. Elle doit être aussi plus grosse que l'ancienne. Plus mauvaise. Elle doit être aussi plus mauvaise que l'ancienne. Moins glissante. Elle doit être aussi moins glissante que l'ancienne. Moins bien. Elle doit être aussi moins bien que l'ancienne. Plus jolie. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Lexical drill A 8. Elle n'était pas glissante du tout. Elle n'était pas glissante du tout. Pas jolie. Elle n'était pas jolie du tout. Pas chère. Elle n'était pas chère du tout. Pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise du tout. Pas pressée. Elle n'était pas pressée du tout. Pas grosse. Elle n'était pas grosse du tout. Pas bien. Elle n'était pas bien du tout. Pas glissante. Elle n'était pas glissante du tout. Lexical drill A9. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Que la blanche. Elle doit être aussi plus jolie que la blanche. Que la petite. Elle doit être aussi plus jolie que la petite. Que la nouvelle. Elle doit être aussi plus jolie que la nouvelle. Que la grosse. Elle doit être aussi plus jolie que la grosse. Que la première. Elle doit être aussi plus jolie que la première. Que la dernière. Elle doit être aussi plus jolie que la dernière. Que la verte. Elle doit être aussi plus jolie que la verte. Lexical drill A10. Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer? Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer? À la boulangerie ou à l'épicerie? Allez-vous à la boulangerie ou à l'épicerie? À la gare ou au bureau? Allez-vous à la gare ou au bureau? Chez l'épicier ou chez le boulanger? Allez-vous chez l'épicier ou chez le boulanger? À l'épicerie ou à la boulangerie? Allez-vous à l'épicerie ou à la boulangerie? Chez le pharmacien ou chez le cordonnier? Allez-vous chez le pharmacien ou chez le cordonnier? En Normandie ou dans le Midi? Allez-vous en Normandie ou dans le Midi? À la campagne ou en ville? Allez-vous à la campagne ou en ville? À l'hôtel ou chez des amis? Allez-vous à l'hôtel ou chez des amis? Chez vos amis ou à la villa? Allez-vous chez vos amis ou à la villa? Lexical drill A11. Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer? Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer? Est-il? Est-il à la campagne ou au bord de la mer? Va-t-il? Va-t-il à la campagne ou au bord de la mer? Êtes-vous? Êtes-vous à la campagne ou au bord de la mer? Allez-vous? Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer? Sont-ils? Sont-ils à la campagne ou au bord de la mer? Vont-ils? Vont-ils à la campagne ou au bord de la mer? Allons-nous? Allons-nous à la campagne ou au bord de la mer? Est-elle? Est-elle à la campagne ou au bord de la mer? Allez-vous? Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer? Lexical drill A12. Allez dans le midi. Allez dans le midi. À Paris. Allez à Paris. À la campagne. Allez à la campagne. Au guichet 12. Allez au guichet 12. Au bord de la mer. Allez au bord de la mer. À la caisse. Allez à la caisse. Dans cette région. Allez dans cette région. Dans la forêt. Allez dans la forêt. En ville. Allez en ville. À Versailles. Allez à Versailles. Dans le midi. Allez dans le midi. Lexical drill A13. Il y fait chaud et sec. Il y fait chaud et sec. Beau et frais. Il y fait beau et frais. Froid et humide. Il y fait froid et humide. Chaud et humide. Il y fait chaud et humide. Froid et sec. Il y fait froid et sec. Humide et chaud. Il y fait humide et chaud. Chaud et sec. Il y fait chaud et sec. Lexical drill A14. Et Henri, où va-t-il cette année? Et Henri, où va-t-il cette année? Ce soir. Et Henri, où va-t-il ce soir? La semaine prochaine. Et Henri, où va-t-il la semaine prochaine? Cet après-midi. Et Henri, où va-t-il cet après-midi? Demain. Et Henri, où va-t-il demain? Cette semaine. Et Henri, où va-t-il cette semaine? Le mois prochain. Et Henri, où va-t-il le mois prochain? Aujourd'hui. Et Henri, où va-t-il aujourd'hui? L'année prochaine. Et Henri, où va-t-il l'année prochaine? Lundi prochain. Et Henri, où va-t-il lundi prochain? Cette année. Et Henri, où va-t-il cette année? Lexical drill A15. Il a une villa en Normandie pour la saison. Il a une villa en Normandie pour la saison. Pour l'été. Il a une villa en Normandie pour l'été. Pour les week-ends. Il a une villa en Normandie pour les week-ends. Pour quelques mois. Il a une villa en Normandie pour quelques mois. Pour le printemps. Il a une villa en Normandie pour le printemps. Pour 3 mois. Il a une villa en Normandie pour 3 mois. Pour le mois prochain. Il a une villa en Normandie pour le mois prochain. Pour la saison. Il a une villa en Normandie pour la saison. Lexical drill A16. Il a une villa en Normandie pour la saison. Il a une villa en Normandie pour la saison. Ils ont. Ils ont une villa en Normandie pour la saison. Je voudrais. Je voudrais une villa en Normandie pour la saison. Il loue. Il loue une villa en Normandie pour la saison. Nous louons. Nous louons une villa en Normandie pour la saison. Il voudrait. Il voudrait une villa en Normandie pour la saison. Elle veut. Elle veut une villa en Normandie pour la saison. Nous avons. Nous avons une villa en Normandie pour la saison. Elle a. Elle a une villa en Normandie pour la saison. Il a. Il a une villa en Normandie pour la saison. This is the end of tape 2, unit 5.